chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants drôle de passons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de passons. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup car des pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment dans leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris.